c'était Contact. Venez enregistrer vos messages, appelez-nous au 05 94 25 67 00. On reste encore au lit en mode réveil tardif sur la première. C'est les vacances. On prend son temps. Réveil tardif de 8h à 11h sur la première. Presque 50 ans, si mon calcul est bon, il est sorti en 76. On est en 2025, clac, clac, clac, clac. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. 49 ans. Voilà, ça fait vraiment du bien de faire ce petit voyage temporel comme ça. Bah, tiens, on va parler de voyage pour ceux qui vont bouger, sortir de chez eux, ne serait-ce que pour aller sur la terrasse. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, nous allons avoir une belle journée pour ce 7 juillet. Un lundi qui s'annonce bien globalement sec et agréable sur l'ensemble du territoire. Le vent, bah, écoutez, le vent sera plutôt faible et variable. Mais en cours d'après-midi, bon, il peut y avoir une légère brise hein, de vent qui vient de la mer. Avec, si vous êtes dans des communes côtières, vous aurez des petites rafales qui peuvent avoisiner les 40 km/h. Sinon, le vent, il est plutôt à 15 km/h, donc il n'y a pas beaucoup de vent, donc la chaleur, on va bien la ressentir aujourd'hui. D'ailleurs, au niveau de la mer est belle, voilà, un peu agitée, avec des creux qui ne vont pas dépasser les 80 cm au large. Si jamais vous avez envie de profiter de la marée haute, ce sera cet après-midi. On va commencer avec une marée basse à 8h47, marée haute à 15h08, et puis pour la température de l'eau, 28 degrés, franchement normal, elle est vraiment bonne. Et puis le soleil, aujourd'hui, ça va Allez, on va faire un petit peu moins chaud d'un degré sur le thermomètre que la semaine dernière. C'est 30 degrés sur le thermomètre, mais ressenti, on est plutôt sur du 31, 32, 33. Donc voilà, soyez vigilants. Et puis le soleil se couchera à 18h47. Et on va profiter, bien sûr, de son éclaircissement et de cette belle journée jusqu'au bout. Bon, j'espère que ça va pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez débarquer au standard à n'importe quel moment, au 31 9000. Vous avez envie de passer un petit message, déclaration d'amour. Voilà, bon, coup de cœur, coup de gueule aussi, si jamais vous voulez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même profiter pour fêter les anniversaires que vous n'avez pas eu le temps de fêter ce matin parce que oui, voilà, comme moi, vous êtes en mode réveil tardif. Hein. Ah, voilà, on est en plein mois de juillet, on ne va pas se réveiller trop tôt non plus. Et vous avez bien raison. Allez, on va repartir en musique avec tiens, Fausse Alerte qui débarque maintenant. Et puis dans quelques minutes, on fera un point sur la rubrique Contact. Depuis tant d'années, j'ai besoin d'une femme qui m'épaule dans mes projets. Le temps passe et j'ai peur de m'engager. Je suis trop souvent emballé, à tort ou à raison. Tu es celle qui pense mes lésions. Je t'aimerai à toutes les saisons, même quand le ciel s'assombrit à l'horizon. Oh, oh, t'es ma go, ah ouais. Mon corps s'emballe et c'est pas une fausse alerte. Parce que t'es celle qui me fait kiffer. C'est celle qui me fait oublier ma vie d'avant. Côté ma go, go, côté ma go, mon alter ego. Yeah. Côté ma go, go, côté ma go, et je suis pas des magos. Non. Côté ma go, go, côté ma go, mon alter ego. Non. Côté ma go, go, côté ma go, et je suis pas des magos. Non. T'es dans mes projets, t'es dans mon business plan. J'avoue, j'ai pensé qu'à moi trop souvent. On s'est enlisé, maintenant je veux qu'on avance, que tout redevienne comme avant. Mi baby na you mi wani yo. Mi achi ki si pen kong de si mio. Allo bi a tu a no one felam. Oui si ça n'a problème, ou mu holy mo. Mi baby na you mi wani yo. Mi achi ki si pen kong de si mio. Allo bi a tu a no one felam. Oui si ça n'a problème, ou mu holy mo. T'es celle qui me fait oublier ma vie d'avant. Côté ma go, côté ma go, mon alter ego. Yeah. Côté ma go, côté ma go, et je suis pas des magos. Non. Côté ma go, côté ma go, mon alter ego. Non. Côté ma go, côté ma go, et je suis pas des magos. Tu me fais kiffer, je vais pas mytho. Depuis le jour où je t'ai croisé dans le métro. J'ai tout fait pour te trouver sur les réseaux. Toi t'es différente, t'es pas comme les autres. Pas comme les autres. T'inquiète, tu ne seras pas en retard. Il n'y a personne sur les routes. Profite du réveil tardif avec Sango. Contact, votre agenda avec les associations et collectivités de Guyane. Bonjour à tous. C'était Contact. Venez enregistrer vos messages, appelez-nous au 05 94 25 67 00. On reste encore au lit en mode réveil tardif sur la première. she pali chalu malo, chiri cho senea. Tamu she pali chalu malo, chiri cho se wamaya. Tamu she pali chalu malo, malo tundera. Tamu she pali chalu malo, chiri cho ye poli. Tamu she pali chalu malo, chiri cho senea. Tamu she pali chalu malo. Oui, je suis musicien à 100%. Libère la puissance. pique du, pique du. J'ai pas le temps pour les stories. Fais voir ce que tu fais, pas le patron. Un acte pèse plus lourd que les mots. Pas pour Bronx Bonnie, Donald Trump, Daffy Duck. Bomba Clat, c'était Atom Alicia. Pour le reste, où c'est chaud. Zéro concurrent, ça te change. Chaque new tune, je mets ça plus haut. Oh, mi fa y débat. Cash Caro, au deux Airland City. Cash Caro, au deux Airland City. Ça méga ça dem, bat by dem, a pas posé. One juke, en so belly, Tony. Gaianis bli bat guinique. Rien qu'à des bambis. Je suis musicien. Soleil levant. Paulina. C'est mal poli, non. Pique du, pique du. Je suis musicien. Libère la puissance. Libère la puissance. Pique du, pique du. J'suis musicien. Libère la puissance. Libère la puissance. Remets de l'essence. À vos paroles, ta foi. C'est les vacances. On prend son temps. Réveil tardif de 8h à 11h sur la première. Et c'est bien de prendre son temps, voilà. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais il appartient également à ceux qui arrivent déjà. Hein, voilà, donc on y va tranquille, on y va, voilà, zen et tout. D'ailleurs, c'est une bonne stratégie pour pouvoir vivre le plus longtemps possible, hein, en ne se forçant pas trop. Non, je déconne. Oui, c'est les vacances, mais on va pas non plus partir dans la, comment dire, la tribu des feignasses. Non, on va éviter. Non. Par contre, on va partir complètement ailleurs. Vous le savez, du lundi au mercredi, dans le réveil tardif, vous avez rendez-vous avec votre rubrique superstition. La semaine dernière, on était en Guyane, et bien cette fois-ci on va partir du côté de la Réunion et vous allez tout découvrir autour de cette histoire dingue du fantôme de Sitaran. Vertigineuse est la beauté de cette île plurielle. Si verdoyant est ce caillou précieux. Inaccessibles peuvent être ces chemins pentus. Les vagues de l'océan Indien sont indomptables, assourdissantes. Ces rugissantes semblent vouloir vous mettre en garde. Mais de quoi? De qui? Soyons tous vigilants. Le fantôme de Sitaran se réveille. Les anciens ressentent la présence de l'esprit du grand sorcier qui pourrait bouleverser le quotidien de la commune de Saint-Pierre. Des processions inhabituelles perturbent la petite ville côtière, si bien que toute l'île est en émoi, craignant le retour du fantôme. Prières sataniques, cris en tout genre, vol d'objets précieux et offrandes des plus douteuses mettent dans l'angoisse l'île entière. Il est de retour. Il est là. Certains pensent que d'ici peu, Simi Kudza, Simi Kurba, dit Sitaran, est en passe de rendre invivable l'existence de sa prochaine proie. Bienvenue sur l'île de la Réunion, l'île volcanique de l'océan Indien, se démarquant par sa robe luxuriante des îles de l'archipel des Mascareignes. Volcanique, explosive, plurielle, et si attachante qu'il vous sera difficile de la quitter, en dépit des superstitions qui sont l'essence de l'île, pétrie par la moindre manifestation de l'invisible dans le réel. Superstition, île de la Réunion, le fantôme de Sitaran, épisode 1. Avec les voix de Yaël Troulès, Jacques Martial, Christine Salem, Arthur H. et l'expertise de Bruno Maillard. Bienvenue dans le monde de la superstition. Je sais pas pourquoi j'ai accepté ce périple à la veille de la Toussaint. Tu m'en fais faire des choses, toi. Hein? L'aventure, c'est l'aventure, hein? Tu voulais du dépaysement, de l'action, des rencontres. Eh ben, regarde si c'est pas beau. admire un peu la vue incroyable que nous offre la Réunion. Ah ouais, c'est vrai. Tu as raison, c'est magnifique. La beauté de cette île, c'est à couper le souffle. Eh oui, je te l'avais bien dit. Mais t'as fini à où ça? Rendez-le-moi. Hé, viens-y, rends-moi ça. Hé, viens aussi. Viens. Ah mon Dieu. Mais n'ayez pas peur, enfin. Oula, madame. Madame, que vous arrive-t-il, madame? Vous avez l'air bien inquiète. Cette dame, elle n'a pas trop envie de vous écouter, on dirait, hein? Effectivement, regarde sa tête. on dirait qu'elle a vu un fantôme. Chut, non mais arrête. Mais quoi encore? Encore un ignorant. Je ne vous permets pas, madame. Vous ne savez pas lire? Regardez un peu, lisez. Cimetière de Saint-Pierre, oui, et alors? Ah, et un petit écrit graffé. Alors attendez que je me rapproche. Est inscrit Simikuza Simikurba. Chut, mais ne prononce pas ce nom. Écoute, ici, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas trop marquer d'intérêt. Non mais enfin, je suis là pour éveiller ma curiosité. C'est ça, la magie de la Réunion. Et je ne vais pas sortir un fantôme de sa tombe quand même. Taisez-vous. Je commence à en avoir assez de ces soi-disant guérisseurs venus piller je ne sais pas quoi sur la tombe de... C'est sur la tombe de qui? Ah, mais regardez, madame. Elle est juste là, cachée derrière le talus. Bon, dans quelle histoire on s'embarque encore, là? Non, mais sérieux, c'est quoi, là? Moi, je voulais juste lui faire découvrir la ville de Saint-Pierre. Je voulais l'impressionner, moi. Tes formes, là, où ça, ils sortent, ça? Oh, mon Dieu, aidez-moi! Elle me fait peur! Elle me fait peur! C'est à moi! À moi! C'est lié l'ango, mamou et l'ingéli, ou mambali, soku o mamba, mais l'ingéli et l'ango, mamou Angola wa masaye, soku o mange, alingeli e masoye, mamu e lungo, mamu e lasaye, soku o mamba, la. Mais que lui avez-vous fait pour qu'elle parte en courant, comme si elle avait vu un revenant? Et puis la tombe de qui? Répondez-moi enfin! Mais vous êtes venu ici pourquoi, cher monsieur? Je vous connais à peine et vous me semblez bien respectueux là. Ah, mais non, c'est un ami. Il revient sur notre île et il a soif d'aventure, de peur, de frissons. Comment faire mieux qu'en suivant le chemin du cimetière de Saint-Pierre pour répondre à ses espérances? Bon, tu vas la terminer, ta phrase. De qui parles-tu? D'Allon. Non, je t'assure, n'en demande pas plus. On va continuer paisiblement notre chemin, s'il te plaît. Et moi, je vais retourner à mon cimetière, car la nuit va bientôt tomber. Et là, je veux savoir qui sont ces personnes qui viennent piller la tombe de ma chère voisine. Et si cela ne s'arrête pas, je leur ferai bien peur. Faire peur, mais vous n'arrivez même pas à rattraper cette femme clopante, alors comment pouvez-vous faire peur, hein? Je vais vous appeler l'irrévérencieux. Ne jouez pas cela avec moi. Savez-vous, là où vous entrez, vous sentez cette atmosphère pesante? Regardez ces gens autour de vous. Regardez ces visages inquiets, eux et leurs bras bien chargés d'offrandes. Des offrandes? Des gens bien étranges? Plus rien ne m'étonne en ce bas monde. Encore une histoire de fantômes, hein? De revenants, hein? Ne va pas fâcher la dame. Regarde-la. N'oublie pas qu'ici, il faut aussi respecter les gens qui ont la foi. La foi en ses croyances invisibles. Et moi, je préfère ne pas m'aventurer sur ce terrain-là. Ouais, ne jamais prendre à la légère les histoires d'antan longtemps. Et elle est bien réelle, cette histoire. Ouais, tu peux même t'y rendre. Et voir à quel point il n'y a rien d'invisible. Simikuza, Simikuaba, Simikuza, Simikuaba. Tu connais cette histoire, toi? Toute l'île la connaît. Mais là, vous me glacez, hein, madame. Vous me faites peur. Vous sortez de nulle part en courant après une voleuse pour un pauvre pot de fleurs et des bougies sur la tombe de votre défunte voisine et vous venez gâcher mon plaisir de... Je vous gâche rien, l'irrévérencieux. C'est vous et vos questions inutiles. Vous êtes curieux, hein? Ah oui, un peu trop curieux d'ailleurs. C'est un bouglet fou, hein, ça. Aïe, aïe, aïe. La fourmi marche encore avec un espèce de forme demi-folle, hein. Mais qui est ce Simikuza, Simikurba, là, ce Sitaran? Simikuza, Simikurba est un grand saint. Vous entendez? Un pilleur, un voleur, un assassin jetant l'effroi sur toute l'île de la Réunion au 19e siècle. Simikuza, Simikurba, dit Sitaran. D'abord travailleur engagé, venu de son Mozambique natal pour remplacer l'esclave libéré, et devenu bandit de grand chemin. Sitaran, dont la tombe est aujourd'hui lieu de dévotion, d'incantation, de prière pour tout, pour rien, pour le plus grand mal de son voisin. Qui a façonné cette légende? Qui a transformé ce vulgaire assassin en un saint vénéré de génération en génération? Sitaran porte avec lui le fardeau de la haine. Simikuza Simikurba est un travailleur engagé africain qui arrive à l'île de la Réunion à la fin du 19e siècle dans le cadre de ce grand mouvement de recrutement de travailleurs suite à l'abolition de l'esclavage à l'île de la Réunion. On estime qu'il y a eu à peu près 90 000 à 100 000 Indiens qui sont rentrés à l'île de la Réunion dans le cadre de l'engagisme et entre 30 et 35 000 Africains. Il arrive donc sur une île où, si l'esclavage a été aboli, le système de l'habitation, lui, est toujours de rigueur. Et le système de l'habitation, c'est la violence exercée par ses anciens maîtres, qui sont devenus désormais des patrons, et qui abusent de ses travailleurs, et de surcroît, ils les exploitent, souvent illégalement. Les contreparties aussi liées à l'engagisme, le logement, l'alimentation n'est pas toujours assuré et des violences sont commises, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de ces engagés qui très rapidement vont rompre leur contrat et devenir des personnes que l'on considère comme des vagabonds. Et c'est le cas justement de Sitaran qui va ensuite faire les rencontres que l'on connaît. Ce travailleur engagé est devenu démon. Comment comprendre cette transformation? Qui en est le coupable? Certainement par la rancœur des promesses d'avenir non tenues. Ces hommes, ayant tout sacrifié pour devenir des engagés, mais qui finalement se heurtent au vieux démon de l'esclavagisme. Les deux régimes finissent par se confondre. Si le travailleur engagé redevient esclave, Sitaran, lui, choisit la truanderie. Il sera puni, mais finira sanctifié. Bienvenue dans le monde de la superstition. C'était Superstition, île de la Réunion, épisode 1. Le fantôme de Sitaran, de Léopoldine Isaac et Laurent Klein. Avec les voix de Christine Salem, Arthur H., Yaël Troulès, Jacques Martial et l'expertise de Bruno Maillard. Équipe technique et mixage Studio Paris, Florian Berger. Musique et arrangement, Olivier Thiou. Extrait musique, Missier Colonie, Grand Moon Lélé. Bondier, Christine Salem. Superstition, une production Manzel Productions, avec la participation de France Télévisions Pôle Outre-mer, la première musique. Dominique Bourron, Véronique Poloma. Avec le soutien du ministère des Outre-mer. Vous toutes savez que la forêt guyanaise, sa richesse. Bam au tambour, bam au tambour, bam au tambour, bam au tambour, roulez tambour, roulez tambour. Hey, give me the mic là, hey, give me the mic là, hey, give me the mic là. Petit en taille, ton mental, toujours plus sale quand elle te parle. Qui capa les poutous, ça qui connaît, écoute, écoute, écoute, pour nous comprendre, mais pas écouter pour toi des seulement. Pour toi des seulement. Pour toi des seulement. depuis la Guyane. Plaque et grand secret, les plaques et paysages qu'a fait nous parler que c'est toi. Elle faut nous jubater pour préserver richesse nos belles pays. Les anciens qu'à côté, on les nous lèche, nous pas qu'est molli. Souci qui est péripétie, qui essayer atteindre nous. Non, non, faut pas nous jouer les fous, garder pour calmer qui est en bout. Attends, la musique à mots, force et car on démobile. Job devant un système qui les ouais, mots en paix, en pénitence. Allez, dis, faut pas mourir. Si nous qu'à molli, nous pas qu'est paix, souris pour la vie. C'est la société pas gué pour faire nous tomber. Allez, dis, faut pas. Oh, y'a que papa bodje mou ka marché à quoi ça mou ka redi. Allez, dis, faut pas mourir. Oh, yeah. Il faut nous tiember. Mais dans la main, que l'on soit blanc, noir ou beige. Et qu'importe les nations. Ne faudrait pas nous rester bobole. Nous pégader pour une évolution meilleure. Faudrait nous rester bien solidaire. Nous gogobis à nous pour préserver tout qui est secret. Mon péqué peut montrer mon valeur. C'était pas gay pour faire nous tomber. Allez, dis, faut pas mourir. Oh, y'a que papa bodje mou ka marché à quoi ça mou ka redi. Allez, dis, faut pas mourir. Oh, yeah. Non, non, mes amis, mou pe pas craindre ça. Mais pas craindre qui mou tradit ce qu'a disparaître quand ça. Ton l'entend nous formit tes cas pour les rouler blanc béton. Vous, c'est madame, y'a tes cas paré des tils à sous bien chute pour nous. La vie à part une bol tout le monde, mais nous pe tchabé. Même si la peine flopé, zot chomé, s'il vous plaît, pas la gay. A ton solidarité qui plie, bon, ensemble, ensemble, nous plie. Faut les anciens qui la jeunesse, soit nous tchabé pour nous plus grand. Allez, dis, faut pas mourir. Si nous camolis, nous pas képé, souris pour la vie. Allez, dis, faut pas mourir. Méchant, c'est la société, pas gay pour faire nous tomber. Allez, dis, faut pas mourir. Oh, y'a que papa, bodje, mou ka marché, à quoi ça mou ka redi. Allez, dis, faut pas mourir. Oh, yeah. Hey, ne soyons pas speed dans la vie d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, soyons à l'heure dans notre esprit. Et n'ayons pas peur d'affronter les malheurs pour un meilleur avenir. Même si toi-même tu sens que la situation t'échappe, ne baisse jamais les bras, car telle est la faiblesse de l'être humain dans notre siècle. Ouais, nous avons tous la rage de vaincre. Alors mes frères, tenons-nous la main et main dans la main pour un meilleur lendemain. Ok. Ouais, ouais, ouais. Hey. Oui, bon ben, il y en a qui s'organisent et d'autres qui arrivent en speed. Nous, on est dans la catégorie réveil tardif, ce matin. Sans commentaire.